franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, rencontre avec celle qui au début du XXe siècle révolutionna la danse, Isadora Duncan, naissance d'une superstar. Elle danse, elle est née pour danser, elle danserait jusqu'à mourir sur ses pieds nus merveilleusement muets. Comme l'écrivain Colette, tous ceux qui l'ont vue danser, inspirée, à moitié nue, drapée de quelques voiles, ont été fascinés par le magnétisme d'Isadora Duncan. Ils ont tous pressenti qu'après elle, la danse ne serait jamais plus comme avant, et que si modernité il devait y avoir, elle passerait par l'esprit, mais surtout par les corps. Comment expliquer la naissance de ce drôle de phénomène en 1877 à San Francisco? Il faut s'imaginer, on sort à peine de la conquête de l'Ouest, des guerres amérindiennes, de la ruée vers l'or. La Californie natale d'Isadora Duncan est aussi celle de Jack London. Qui sait, l'écrivain l'a peut-être un jour aperçue, quand jeune fille elle dansait face à l'océan, sur le rivage de la baie de San Francisco. Son goût de la danse, Isadora dira, elle, qu'elle le tenait de sa mère qui, quand elle était enceinte d'elle, ne se nourrissait que d'huîtres et de champagne. Une ivresse qui, en 1899, pousse Isadora et sa famille à s'embarquer pour l'Europe. C'est ainsi que va débuter l'aventure. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Julie Birman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scénariste de BD, l'auteur notamment de BD avec le dessinateur Clément Aubrery, qui ont été très remarqués sur Picasso, la fameuse série Pablo, et aussi sur Isadora Duncan. Il y avait eu un premier numéro qui s'appelait « Il était une fois dans l'Est », et ce qui n'est pas le tome 2, mais un nouvel épisode de la vie d'Isadora Duncan, va paraître la semaine prochaine. Et c'est vous aussi qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. Alors la danse est un art éphémère, hein. S'il y a un art éphémère, c'est bien celui-là. Et puis la danse d'Isadora Duncan, il reste bien quelques dessins, quelques photos, un petit film même de 20 secondes où l'on voit une femme un peu forte tourner en levant les bras. On a un peu du mal à imaginer le choc qu'elle a provoqué en Europe au tout début du XXe siècle. Alors Isadora, donc c'est le titre de notre nouvelle bande dessinée, c'est une énigme. Et c'est ça qui est intéressant d'un point de vue scénaristique quand on écrit une histoire, c'est d'avoir un personnage en fait qui n'entre dans aucune case. Et Isadora est le personnage incompréhensible par excellence. Enfin, il y avait Fernand, la première compagne de Pablo aussi, qui était assez incompréhensible. Et elle, Isadora, elle est incompréhensible parce que sur les photos, bon, vous mentionnez un petit film où elle est un peu vieillissante et pas très jolie, mais elle a créé un choc. Tous ceux qui l'ont vue ont été bouleversés. Les sculpteurs ont été très inspirés par elle, les dessinateurs, les écrivains. Et donc, quand on la voit sur des photographies posées avec des tenues grecques, c'est presque un peu nunuche. Et quand on lit en fait, ce qu'elle a provoqué chez les gens, c'est l'inverse, c'est une révolution de la danse. Il faut savoir d'où on vient aussi. Qu'est-ce que c'est que la danse dans les années 1900, quoi ? C'est vrai que dans l'histoire de la danse, il y avait d'un côté le ballet classique, très codifié, où on dansait sur de la musique de ballet exclusivement. Et de l'autre côté, il y avait la danse de divertissement, le vaudeville, les revues de music hall. Le French cancan, le music hall. Ouais. Voilà. Et en fait, ces deux genres étaient complètement irréconciliables. Et Isadora Duncan invente quelque chose de totalement nouveau. Elle va danser librement avec des pas qu'elle invente elle-même sur de la musique qu'elle choisit. Alors, il va y avoir du Wagner, du Chopin, du Schubert, mais personne n'avait jamais fait ça avant elle. Il faut quand même essayer de comprendre d'où elle vient. Je disais à l'instant qu'elle est née donc en 1877 à San Francisco. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, c'est ce drôle de phénomène quand même, Isadora Duncan, c'est quand même un drôle d'oiseau, je dirais. Qu'est-ce qui fait que ça émerge comme ça à ce moment-là? D'où elle vient? C'est quoi son enfance, sa famille? On sait qu'elle est née à San Francisco en 1877, vous le disiez, mais en fait, elle n'a aucune véritable attache. Et déjà, elle a été élevée un petit peu comme une herbe folle. retirée de l'école assez rapidement parce qu'elle s'y ennuyait et parce qu'on voulait absolument que les enfants croient au Père Noël, alors qu'elle, elle gagnait déjà sa vie à 6-7 ans en donnant des cours de danse et en prétendant qu'elle avait 12-13 ans. Elle a eu un père très spécial qui a fait fortune et des banqueroutes successives, surtout qui a disparu totalement peu après sa naissance, parce qu'il avait escroqué une banque. Et en fait, toutes les polices de l'État étaient à sa recherche. Et on l'a finalement trouvé déguisé en femme quand il a voulu s'échapper au Mexique. Et donc voilà, donc ça pendant c'est ce un temps-là, petit peu la mère d'Isadora elle élevait seule ses quatre enfants, elle donnait des cours de piano et donc ses enfants n'allaient pas à l'école mais étaient élevés dans la culture, ils écoutaient donc leur mère jouer du piano le soir et ils lisaient les grands auteurs anglais. Et puis par ailleurs, il y avait à l'époque sévissait un prêcheur qui s'appelait Bob Ingerson qui préconisait aux femmes de ne pas se marier, enfin qui était complètement farfelu pour l'époque et qui était devenu le maître à penser de la mère. Et donc elle diffusait des idées comme ça assez étranges mais qui vont sédimenter en Isadora parce que elle va ensuite faire des tas de conférences pour expliquer que on peut avoir des enfants avec n'importe qui. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que il n'y a que la mère qui élève les enfants, peu importe le père en fait d'une certaine façon, et surtout les femmes ne sont pas obligées de se marier. Donc c'était à la fois très féministe en même temps un peu très matriarcale. Mais en tout cas, totalement... Excentrique. Bah, surtout totalement décalé par rapport à l'époque. Il y a Isadora, mais il y a aussi son frère qui va devenir quelqu'un d'assez connu, Raymond Duncan. Alors oui, et alors souvent les gens, nos aïeux encore vivants aujourd'hui, adorent raconter qu'ils ont croisé rue de Seine Raymond Duncan avec son profil en nez d'aigle, arpentant la capitale avec une toge grecque, les cheveux longs, un bandeau en cuir dans les cheveux. Et des sandales aux pieds. Voilà, il avait fondé l'Academia où on tissait, où on faisait, enfin il y avait l'autarcie à tous les niveaux. Et lui, c'est un peu l'inventeur du happening. Il avait comme ça des espèces d'inspiration divine. Les happening version antiquité grecque. Oui, version antiquité grecque, mais surtout, soudain coup, il partait dans une espèce de délire poétique sur n'importe quoi. Et ça, il nous reste des traces radiophoniques. À un moment, il y a une femme qui parle avec les intonations de l'époque, c'est très daté. Et lui, Raymond Duncan, avec son accent américain, il est mais totalement contemporain. Et il explique à cette femme sidérée que les pantalons ont fait régresser la civilisation. Et depuis que les hommes mettent des pantalons, en fait, tout va mal. Mmh. Et il part comme ça pendant 5 minutes dans une espèce de délire. Et c'est... Vive assez le kilt. Hilarant. Oui. Bon, Julie Birman, je vous propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Isadora Duncan, la naissance d'une superstar, un texte dont vous êtes l'auteur, Julie Birman, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Laure Egoroff. La seule chose qui me manquera, ces bons vieux éléphants de mer de 5 quintaux. Ils étaient mon seul public quand je dansais sur la plage de San Francisco. J'étais toute nue, il n'y avait personne. Et j'oubliais tout. Sous les nuages et dans le vent, j'étais l'écume déferlante qui venait mourir sur mes mollets, avalée par le sable. Et puis je renaissais. Je bondissais, valsant, respirant avec le ressac. Éclaboussée par l'eau glacée. J'épousais le mouvement des vagues et je me sentais reliée au monde, à l'univers infini. Qu'importe les déceptions, l'étroitesse de vue des gens, puisqu'il y a cette immensité qui m'envahit. C'était mon secret, mon refuge, et aussi une sorte de révélation. Il fallait que je partage cette sensation avec le monde entier. Danser, et sortir le public de sa torpeur, lui donner l'envie irrépressible de faire comme moi, dans le vent, et accorder à l'onde universelle. Mais je n'ai rien pu faire en Amérique. À moi l'Europe. Quand Isadora Duncan arrive en Europe en juin 1899, à bord d'un cargo à bestiaux, elle a 22 ans. Son frère Raymond et leur mère sont du voyage. Famille bohème et hippie avant l'heure, les Duncan ont tenté de se faire connaître aux États-Unis, mais ils n'ont fait qu'y vivoter. Raymond a enchaîné les petits métiers. Isadora a donné des cours de danse, dansé dans quelques petites salles. avant d'aller tenter sa chance à Chicago, puis à New York. Elle y a multiplié les auditions, mais elle n'a pas rencontré un seul impresario sensible au vent de révolution qu'elle apportait. « Mademoiselle, troquez votre triste tunique contre une jupe à volant et on vous engage. » Il fallait bien vivre. Aussi, pendant 5 ans, la jeune femme a levé la jambe en rythme et lancé des œillades aguichantes dans tous les vaudevilles de province. Mais sans jamais renoncer à son rêve, convaincre avec son art, ce qui se produirait à coup sûr de l'autre côté de l'Atlantique. Ma chère sœur, maman, avant de poser le pied à terre, je voudrais que vous entendiez mon serment. Après avoir assisté pendant 3 semaines au calvaire de ces centaines de vaches en fond de cale et nous être nourris principalement de bœuf séché et de thé au foin, je jure que plus jamais aucun morceau de viande ne pénétrera dans mon gosier. Ô vache, jamais je ne vous oublierai. Bravo Raymond. Tiens, voilà notre capitaine. C'est le moment des adieux, je crois. Merci pour tout, capitaine O'Connor. Sans votre générosité, nous n'aurions jamais pu faire ce voyage. C'est moi qui vous remercie, madame. Grâce à vos talents de cuisinière, l'équipage n'a pas maigri. Et puis, un même sang irlandais coule dans nos veines. Que la chance soit avec vous, famille Duncan. Salut, l'ami. À peine débarqués à Hull, sur la côte est de l'Angleterre, les Duncan se précipitent à Londres, impatients de découvrir les beautés du vieux monde. Ils n'ont pas un sou vaillant, enfin, juste de quoi s'acheter un petit pain et un café au lait à la buvette du British Museum. Mais rien ne leur fait peur, surtout pas la misère. Alors, après avoir visité de fond en comble la New Gallery ou écouté une conférence sur Véronèse, ils passent la nuit dehors. Mais attention, les policiers traquent les vagabonds et les parquent dans des asiles de nuit. Quand un bobby passe à leur portée, il faut faire semblant d'organiser un tournoi d'échecs ou d'admirer les constellations. Leur dernier shilling dépensé, ils vont frapper à la porte d'une New-Yorkaise de passage. Elle est ravie de les engager pour animer ses soirées mondaines. La mère y joue du piano, Isadora danse et Raymond récite des poètes grecs inconnus. C'est un succès. Les voilà donc sortis d'affaires. Ils louent un appartement. Mais à peine se font-ils un petit nom dans les salons londoniens, que déjà la ville les ennuie. Il leur faut repartir. Alors, ils traversent la Manche. Ils espèrent trouver à Paris une société plus égalitaire, moins réactionnaire. Dans la ville Lumière, grâce à ses relations anglaises, Isadora ne tarde pas à retrouver du travail. Elle danse pieds nus et bondit librement dans les salons chics, comme celui de la comtesse Greffeuil. Autant dire qu'elle fait sensation. Les invités musiciens se succèdent au piano pour la voir improviser sur leurs œuvres. Parmi eux, un certain Camille Saint-Saëns. Sans blague, vous ne connaissez pas Saint-Saëns, le compositeur du Carnaval des animaux ? Non, vous ne pouvez pas rester dans une telle ignorance, mademoiselle. Il faut absolument que nous fassions votre éducation. Mais vous savez, je vais tous les jours au Louvre. Je m'inspire des statues grecques. Mon frère dessine des vases. Au début, le gardien nous prenait pour de vrais dingues. Mais maintenant, il s'est habitué. Cher ami, vous êtes unique en votre genre. Ce qui me donne encore plus envie de vous initier. Que faites-vous demain matin ? Ce jeune homme avenant s'appelle Jean Bonnier. Intrigué et séduit par ce petit phénomène américain qui ne ressemble décidément en rien aux danseuses qu'il a fréquentées, il décide de l'initier à l'art contemporain et commence par l'inviter au pavillon de l'Alma, une des attractions de l'exposition universelle. Bonjour Bonnier ! Non, appelez-moi Jean, tout simplement. Oh, mais vous avez un beau chapeau. Un chapeau cloche. Le Bonnier et la cloche. Je crois que je commence à apprécier la langue française. Paris, en ce printemps 1900, est aussi méconnaissable qu'extraordinaire. On y a construit de toutes pièces de vrais châteaux inspirés des architectures du monde entier. Des installations gigantesques, des illuminations pharaoniques, scientifiques, curieuses ou artistiques éblouissent les visiteurs, qu'on compte par dizaines de millions. Au pavillon de l'Alma, situé à l'angle de l'avenue Montaigne, on peut, moyennant un franc, visiter pour la première fois une rétrospective d'Auguste Rodin. Jusqu'ici, l'artiste de 60 ans n'a obtenu qu'une maigre reconnaissance. Soit on lui refusait de participer au salon en l'accusant d'avoir fait des moulages sur modèles vivants, suspicion de tricherie aussi honteuse qu'absurde, soit on criait au scandale qu'il présenta Balzac drapé dans une nudité triomphante ou dans sa robe de chambre, le front transfiguré par la fièvre de la création. Enfin, maintenant, il est décoré de la Légion d'honneur. Toutes les femmes à la mode achètent ces statues. Ce qui n'est pas forcément bon signe. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je me promène parmi ces sculptures et j'ai l'impression qu'elles dansent devant moi. Tout est blanc ici. Parfois vert clair. Et c'est plus fantastique que tout le caravansérail qu'il y a au dehors. J'explore avec Rodin tous les âges de la vie. La jeune fille, la femme accroupie, la vieille au sein décrépit, Athéna pensive, avec son temple sur la tête, Iris et son sexe offert, les jambes relevées et écartées. Et puis ces corps d'hommes et de femmes qui interagissent et semblent se consumer littéralement de désir, quoi qu'ils soient en marbre. Amor fugit, avec cette femme engluée qui essaye en vain de rattraper son amour, le sculpteur et sa muse, le péché. Je suis belle, le baiser, où les deux corps s'appellent. C'est donc l'œuvre d'un vieil homme. J'ai 20 ans passés, je ne connais rien de l'amour physique, rien. Comment incarner la vie, tout ce qui fait l'humain, en bougeant sur une scène, si je n'ai vécu ni le vertige, ni l'extase? Je contemple ces sculptures, ces dos de femmes qui font les vagues, cet homme nu de l'âge des reins, et je suis traversée par tout ce qui me manque. Il faut que je connaisse l'étreinte amoureuse, le plus vite possible. Alors, qu'en pensez-vous, Isadora? C'est ce qu'on appelle un maître. Vous n'êtes pas choquée? Choquée? Réveillée, plutôt. Cet homme donne envie de faire l'amour, je trouve. Pas vous? Si. Mais... voulez-vous que... Oui. Monsieur et Madame Nouflard. De Bordeaux. Nous voudrions une chambre pour la journée. Pour la journée? L'exposition universelle, c'est épuisant. Ah oui. Vous êtes très attirante, Isadora. Après ce que je viens de voir, cet appel mystérieux, l'accomplissement d'un rite à deux... Enfin! N'exagérez pas, on ne se connaît que depuis 2 jours. Mais je suis tellement impatiente. Si l'amour fait l'effet que Rodin sculpte, à quoi sert la religion? Le sublime vécu à deux, braver ensemble les lois de la gravitation, je l'attends sans le savoir depuis. Je ne comprends pas tout ce que vous dites. Vous serez le premier. Quoi? Quel crime allais-je commettre? Mais... Rhabillez-vous, je vous prie. Fiacre! Ramenez mademoiselle chez elle. 45 avenue de Villiers. Je me suis laissé abuser. Et je vous ai pris un instant pour ce que vous n'êtes pas. Et quelles sont ces belles horizontales? Quoique vous soyez très belle, vous aussi. Oh, me pardonnerez-vous un jour, mademoiselle? Mais de quoi? Et dire que je suis à Paris. Isadora a beau être furieuse, elle est bien ignorante. Elle qui n'a jamais entendu parler de Cléo de Mérode, Liane de Pougy, Jeanne Avril, la belle Otero ou Émilienne d'Alençon, qui se présentent comme danseuses, mais sont surtout des reines escourtisanerie. Elles ne vivent pas de leur maigre cachet, mais de la prodigalité de leurs admirateurs. Bijoux, hôtels particuliers... Isadora est loin d'être l'une d'entre elles. Cependant, depuis qu'elle a vu Rodin, elle n'en démord pas. Il lui faut un homme. Plus j'y songe, plus mon ignorance me révolte. Je croyais avoir vécu parfaitement libre dans l'Amérique puritaine, à rebrousse-poil de ses préjugés, et bien j'avais tort. J'étais pétrie sans m'en rendre compte de ces valeurs imbéciles qui glorifient la virginité et l'abstinence. Oui, c'est beau! Oui, c'est révolutionnaire de vouloir libérer le corps de la femme, entravé dans ses mouvements autant par son corset que par la bienséance. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi l'autre et la distance qui nous en sépare et qu'on voudrait abolir. Dans les salons Greffeuil, Isadora a également fait la connaissance du meilleur ami de Bonnier, l'homme qui vient de la mettre dans un fiacre. Ce meilleur ami s'appelle Bonnier, lui aussi. Ça a beau se prononcer de la même façon, ça s'écrit différemment, Et de fait, les deux amis sont très différents. L'un très beau, l'autre très cultivé, pourrait-on résumer. Mais après ses déboires avec le premier, Isadora fait appel au second bonnier dont elle apprécie l'érudition. Il se donne rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame, où le jeune homme se met à lui raconter tout ce qu'elle avait toujours voulu savoir sur le vitrail gothique. C'est par la lumière que s'exprime la spiritualité. Elle permet, sans un mot, d'incarner l'esprit divin. Ah, si nous pouvions aussi nous dématérialiser et devenir lumière. Ah bon ? Mais moi, j'aime les corps. Le vôtre, par exemple. C'est gentil, mais... Avez-vous vu Loïc Fuller, aux Folies Bergères ? Et comment cette femme qui n'est pas belle par la grâce de son art disparaît pour devenir essence pure, parfum entêtant d'Ulysse, mystère attendu... Jamais entendu parler. Et si vous veniez boire un verre à la maison ? J'ai du vin. Il y aura votre frère ? Non, il est à l'opéra. Il assiste à une couturière avec ma mère. Ah, dommage. Regardez sur ce portail... D'un côté, vous avez les vierges folles, et de l'autre, les sages. C'est beau, mais complètement idiot. Les vierges deviennent forcément folles. Venez donc à la maison, cher André. Je vous trouve très beau. Moi aussi, moi aussi. Mais vous savez qu'Oscar Wilde est mort. Ça me donne un cafard pas possible. À bientôt, Isadora. J'y crois pas. Il s'en va et me laisse là, en plan, devant le portail aux vierges. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Rentrée chez elle, après avoir traversé Paris pour se calmer, Isadora s'est couchée sans dîner. Le lendemain matin, son frère Raymond s'en étonne. Bah dis donc, t'en fais une tête. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier ? Rien, c'est justement ça, le problème. Tu m'expliques ? Il s'est encore enfui. Qui ? Bonnier ou Bonnier ? Les deux, mon général. L'Apollon et le binoclard. J'en trouve pas un seul qui veuille de moi. Suis-je donc si moche ? Tu es une déesse, ma sœur. Et d'une originalité si folle qu'elle effraie les hommes, et en particulier le petit Parisien pétri de conventions. Surtout quand il t'a déjà vu danser. Il doit s'imaginer des choses folles, non ? Il te faut un artiste. Il me fatigue, si tu savais. Oh, j'en ai ma claque de danser dans des salons comme une domestique de luxe. Ma claque de convoquer quelques sommités dans notre studio en leur demandant une aimable participation. Jusqu'à quand est-ce que je vais débuter ? Je veux toucher le monde entier, changer le regard de la multitude, pas de quelques-uns. Tu comprends ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai déjà 23 ans. Et je ne suis pas encore une femme. Et si tu allais voir Rodin ? Il pourrait peut-être t'aider, lui. On m'a dit qu'il recevait rue de l'université, dans son atelier le samedi matin. Or, on est samedi matin. Tu crois que c'est une bonne idée ? Me dis pas que t'as le trac. Isadora enfile sa robe illico et sort, direction, le dépôt des marbres, rue de l'université. Quand elle arrive, elle tombe nez à nez avec le sculpteur. Il a un petit front, les cheveux en brosse, une barbe longue et d'épaisses lunettes de myope. Alors comme ça, vous êtes danseuse. Mm-hmm. J'aime les danseuses. Quel genre ? Un genre qu'on a oublié et que j'ai appris toute seule. Oh, c'est intriguant. Venez par ici, nous serons plus tranquilles. L'atelier de Rodin est plein de monde. On entend le burin, le marteau des praticiens. D'autres reportent au compas des mesures prises sur des prototypes. Ajoutez à cela des curieux, admiratifs et timides, vêtus à la bourgeoise, qui se promènent à côté des sculpteurs en blouse blanche et d'hommes et de femmes nus. Car les modèles de Rodin doivent être actifs, naturels, pour que le maître et ses élèves puissent saisir leur pose sur le vif, quand ils se baissent ou rajustent leur chignon. Voyons, essayons d'imaginer votre costume. Je ne vois ni pointe, ni tutu. Gagné. Et encore ? Aidez-moi un peu. Eh bien, J'ai une tunique toute simple. Des gestes qui se raccrochent à l'onde universelle. Celle de la mer, du vent. Et comme personne n'enseigne ça, je m'inspire des statues grecques et de vos sculptures. Alors, il faut absolument que je voie ça. Oui. Vous habitez chez vos parents ? J'habite un genre de temple grec. Enfin, c'est un atelier avenue de Villiers, mais mon frère y a peint des colonnes doriques et transformé les becs à gaz en torchères, ce qui a triplé la note de gaz. Et à cette heure-ci, il y a du monde chez vous ? Personne. Alors allons-y. Pardon ? Chez vous. Prenons un fiacre. Venez. Vous êtes un peu fou, monsieur Rodin. Une forme de jeunesse d'esprit que j'ai. Et tous ces gens qui avaient l'air de vous attendre dans l'atelier ? Eh bien, qu'ils m'attendent. Ou pas. Franchement, qu'importe, mademoiselle. Vous savez, dans ma maison de Bellevue, je me suis constitué une collection de statues grecques. Elles vivent dans le jardin. Et je vais chaque jour les voir pour passer un moment avec elles. Je caresse le ventre d'une Vénus, la hanche d'une Psyché. Chaque détail y est absolument essentiel, vivant. Et puis, je vais travailler avec cette beauté dans les mains. Ah, je suis vraiment très content. C'est si rare de rencontrer quelqu'un comme vous. En ces temps où l'utilité a remplacé la pensée. Voilà ce que nous sommes. Deux diplodocus échoués par erreur en 1900. Vous avez dit diplodocus. Ils ne se connaissent que depuis quelques instants, et pourtant Rodin a tout compris. Il ne cherche pas à la caser dans l'une ou l'autre des catégories créées pour les danseuses. Classique d'un côté, danseuse de cabaret de l'autre. Non. Rodin la voit comme un être humain qui cherche à s'exprimer avec son corps, comme d'autres avec le burin. Un diplodocus, c'est le plus beau compliment qu'on lui ait jamais fait. Arrivée à l'atelier, Isadora enfile sa tunique à la hâte. Je suis en chemise à moitié nue et il faut que je danse devant ce titan. J'attends un homme et je me suis faite belle pour lui plaire. L'attente. Puis le baiser qui ne vient pas. Et son départ trop prompt. Et la course pour le rattraper. Course vaine. Désespérante. Ne bougez plus. Vous êtes très émouvante, mademoiselle. Je viens d'une plage de Californie, pleine de tempêtes et d'éléphants de mer. Et votre main, c'est la caresse du vent. Elle me palpe comme un morceau de terre. Je suis en argile et je n'ai peur de rien. Je dois tout ressentir, tout vivre. Oh, comme c'est tendre ici, dans l'intérieur des cuisses. Une texture inouïe. Oh, la nature, on ne l'admire pas, on la pénètre. Mais que fait-il à genoux devant moi, ce vieillard ? Le dieu Pan. On dirait le vieux Pan. Non, je ne peux pas. Mais pourquoi ? Je suis désolée. Bon, eh bien, au revoir, mademoiselle. Quel imbécile. J'ai vu le dieu Pan et j'ai littéralement paniqué. Dire que j'aurais pu connaître l'amour avec Auguste Rodin. Après cette aventure avortée, Isadora reste prostrée chez elle. Des journées entières, debout, concentrée, dans le plus grand silence. Jusqu'ici, tout était clair. Je voulais que mon corps soit la caisse de résonance de l'harmonie de l'univers. Je me croyais l'envoyée de la déesse Athéna, inspirée autant par la nature que par l'art grec. Mais maintenant, tout s'est brouillé dans ma tête. J'entrevois un continent sombre et inconnu, où le corps s'enfièvre et perd la raison. Comment m'en rapprocher ? Je m'en sens si éloignée que l'envie de danser m'a quittée. Il faut que je trouve le moyen d'allumer de nouveau mon moteur intérieur. C'est un flot de lumière qui explose dans le plexus. C'est très dense et ça se déploie très loin par-delà ma poitrine. D'abord, il y a la musique. Je la connais intimement. Elle est inscrite en moi. Il faut que je l'entende, que ses premières notes se mettent à résonner. Alors, elle m'envahit. Je m'en imbibe et soudain, à un moment que je ne choisis pas, ça se met en branle et je peux danser. Tu es là? Il fait noir, pourquoi t'allumes pas mes torchères? Me dis pas que tu fais des économies de gaz. Isadora, ça va? Tu ne parles toujours pas? Allez, ce soir, je te sors. On va voir une danseuse, ça risque de te plaire, elle ne ressemble à personne. En plus, elle est américaine, elle s'appelle Loï Fuller. Loï Fuller? La femme vitrail. Qu'est-ce que tu racontes ? Loï Fuller, vedette des Folies Bergère depuis 1892, s'est fait construire, à l'occasion de l'exposition universelle, son propre théâtre. Un théâtre à la façade ondoyante comme un de ses voiles. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a des vitraux partout. On se croirait dans une église. On dirait plutôt un aquarium. Le hall du théâtre, éclairé par de hauts vitraux, est rempli d'affiches et de statuettes représentant la danseuse qui, tantôt blonde, tantôt rousse, ne se ressemble jamais. À croire que Loï Fuller et sa danse serpentine ont fusionné en cette femme torche, enveloppée d'un grand tissu, suffisamment floue pour devenir à elle seule le symbole de la Belle Époque. Tu as une idée de ce qu'on va voir ? Pas du tout, et toi ? Dans le noir de la salle, j'aperçois une petite silhouette. Elle s'avance. C'est une forme sans tête qui ondoie, laissant apparaître des mollets et des petits talons. Les sensations m'envahissent. Je suspends mon jugement, je suis happée et je perds la notion du temps. La forme mue sans cesse. On croit d'abord voir une araignée aux couleurs changeantes, puis un papillon, puis un lys gigantesque. J'ai l'impression d'être en plein dans un rêve de tissu tournoyant. Il y a une galaxie naissante. Des pétales de fleurs, de soudaines ébullitions de couleurs. Quelle magicienne ! Qu'on aille la saluer dans sa loge. En entrant dans la loge, Raymond et Isadora, à leur plus grande surprise, découvrent une femme massive, éreintée, affalée sur un divan, le visage masqué de lunettes noires. Bravo, c'était formidable. Madame, je suis éblouie. Moi aussi, c'est pour ça que je porte ces lunettes. Les projecteurs me brûlent les yeux. Je voulais vous témoigner ma gratitude et mon admiration. Vous me redonnez courage. Parce que vous êtes danseuse ? Oui. Comment vous appelez-vous ? Isadora Duncan. Ah, mais je vous connais. Mes amis artistes ne tarissent pas d'éloges. Constant, Carrière, Lorrain, Rodin. Je veux vous voir danser. Maintenant ? Sans musique ? Oui. Excellente idée. Remarque, je porte ma tunique sous ma robe. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Je pourrais me concentrer et, comme devant Rodin, improviser. La diva abaisse ses lunettes et dévoile de gigantesques yeux myosotis qui dévorent la jeune danseuse tandis que celle-ci se dévait. Isadora, portée par les images et la musique du spectacle de Loï Fuller, se met aussitôt à danser, se remémorant note pour note le passage de Wagner qu'elle vient d'entendre. La voilà transformée en Brunehild, la valkyrie héroïque punie par son père Wotan, qui l'entoure d'un grand brasier, attendant qu'un vaillant chevalier vienne la délivrer, Siegfried. La diva en oublie sa fatigue. Cette fille est superbe. Il me la faut. J'adore ce que vous faites, Isadora. Vous êtes très prise en ce moment ? Non. Parce que je pars après-demain à Berlin pour une grande tournée en Europe de l'Est. Je voudrais que vous m'y rejoigniez. On pourra faire de très grandes choses ensemble. Je... Dites oui. Oui. C'est magnifique. En plus, Berlin risque de vous plaire, elle est bourrée de temples grecs. En sortant du théâtre, Isadora marche 10 cm au-dessus du sol. Quelle inventivité, quel génie ! Ah, ton enthousiasme fait plaisir à voir. Loy Fuller a en effet mis au point un procédé formidable, auquel personne n'avait songé avant elle, installant de longues baguettes à l'intérieur de grands voiles de pongée de soie, qu'elle tient à leurs extrémités et qu'elle agite en des mouvements de rotation épuisants. Mais elle a aussi inventé tous les effets lumineux de son spectacle. Ceux de la danse de l'archange où elle semble voler, debout sur un plot transparent éclairé par le dessous, ceux de la nuit étoilée, avec un décor constellé de verroteries à facettes attachées à une ficelle et qu'elle agite, ceux de la danse au miroir, où elle se démultiplie, ceux aussi de l'embrasement final, où la danseuse semble prendre feu et se consumer comme une bûche. Et tu te rends compte, Raymond ? C'est à moi qu'elle propose de la rejoindre ! J'ai juste dansé 3 minutes et hop ! C'est exactement ce que je voulais, le coup de pouce qui me manquait. Et quand tu seras célèbre, on ira en Grèce, pour de vrai, et tu danseras pour moi dans le Parthénon. Promis, Raymond. À Berlin, où Isadora Duncan se rend seule, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Elle découvre avec consternation que Loy Fuller vit entourée d'une douzaine de jeunes filles délurées et vaguement hystériques. Elle a créé pour elle un spectacle sans intérêt, et pire que tout, elle a l'intention d'y intégrer la jeune américaine. Isadora, pour ne pas se mêler à elle, prétexte maladie sur maladie. Et puis un jour, Loy vient la voir dans sa chambre. Que voulez-vous donc, Isadora ? Mais vous le savez bien. Je suis incapable de m'intégrer à une troupe. Ce que je veux, c'est ce que vous avez eu en votre temps. L'épreuve du feu, devant un parterre de gens qui comptent. Vous l'aviez exigé du patron des Folies Bergères, n'est-ce pas ? Je veux la même chose, pour pouvoir voler de mes propres ailes. Vous vous en sentez capable ? Pas vous ? Bien sûr que si. Je ferai tout mon possible pour vous organiser une soirée. Quand ? Bientôt. Les autres filles sont évidemment horripilées par le traitement de faveur réservé à Isadora. L'une d'entre elles, une certaine Nursey, prise d'une bouffée délirante, s'imagine même une nuit que Dieu lui commande de tuer la nouvelle venue. Elle s'y emploie en tentant d'étouffer Isadora avec un oreiller. Mais Isadora se débat, s'échappe et hurle dans les couloirs de l'hôtel. Pour se faire pardonner ce regrettable incident, Loy Fuller se démène et organise au plus vite la présentation que désire sa protégée. Isadora, en apprenant que sa soirée est programmée dans les jours prochains à Vienne, ne semble pas prise par une frénésie de répétition. Elle continue de se laisser vivre, ce qui terrifie Loy Fuller, elle qui travaille jusqu'à 16 heures par jour quand elle crée un spectacle. Et si cette fille était une imposture ? Après tout, je ne l'ai vue danser qu'une fois, dans ma loge, sans musique. Et tous les ambassadeurs que j'ai conviés, elle m'a juste demandé quelques Chopins, et puis c'est tout. Le 18 avril 1902, jour de la représentation devant la presse et devant les gens influents que compte l'Europe de l'Est, Isadora Duncan ne semble pas tendue. Une demi-heure avant le lever de rideau, elle se coiffe nonchalamment. Loy Fuller, elle, frise la crise de nerfs. Isadora, tout le monde vous attend. Qu'est-ce que vous faites les pieds dans une bassine ? Et puis vous n'allez quand même pas danser dans cette tenue ? C'est une tunique grecque. J'essaye de me concentrer, Loy. Si ça ne vous dérange pas. Mesdames, messieurs, la jeune danseuse que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir a espéré jusqu'au dernier moment qu'on lui livre son costume de scène, d'où notre regrettable retard. Bon, le costume n'est toujours pas arrivé, mais notre artiste est prête. Elle se produira donc telle qu'en répétition. Voici Isadora Duncan. Isadora s'avance, pieds nus, jambes nues, à côté du piano, les mains jointes sur le plexus. Son sourire, propre à faire fondre l'Antarctique, se détache sur le rideau de scène bleu nuit. Mais bouge, bon Dieu ! Bouge ! Elle ne remue pas un cil, et puis enfin, elle esquisse un geste. Toute l'attention est sur elle. Sur scène, Isadora Duncan occupe tout l'espace. Elle est la musique, elle la donne à voir en chair et en os. Vivante, vibrante, indispensable. Et puis soudain, on entend des bruits, des cris. Qu'est-ce qui se passe encore ? La nouvelle, qu'une jeune femme s'apprête à montrer une danse inconnue, s'est propagée en ville. Une cohorte de jeunes artistes de tous crins a très envie d'assister à cette performance. Parmi eux, un jeune homme aux épaules carrées, le nez fort, le regard cependant très doux. Isadora. C'est lui qui prend la parole. Mes amis et moi voulons vous voir danser. Certainement pas, malotru. C'est un concert privé. C'est que ce type est beau. Je m'appelle Roméo. Et Isadora, je voudrais être votre chemise, votre robe, votre épingle à cheveux, vos bas, quoi que vous n'en portiez pas. Et après le spectacle, c'est juré, je vous enlève. Cher public, bonsoir. Je vous remercie de patienter le temps que les nouveaux venus se serrent au fond de la salle. Je suis ravie, vraiment, que vous soyez si nombreux ce soir. Et pour vous remercier, je voudrais vous improviser quelque chose. Et voilà maintenant qu'elle déchire un pan de rideau. Et qui va payer la note ? Maestro ! Tu connais un morceau enlevé qui parle à tout le monde ? Le Danube bleu, par exemple ? Parfait. Mon moteur intérieur me guide et j'entre dans une autre dimension. Celle à laquelle j'aspire depuis que j'ai vu les sculptures de Rodin, celle de l'émotion pure. Je me sens en osmose avec la sensibilité des spectateurs présents dans la salle. Les corps, les vêtements n'ont plus d'importance. D'eux à moi, il n'y a plus aucune frontière. Son Danube bleu, avec le voile déchiré, puis les valses de Chopin, soulèvent un délire d'enthousiasme. Les spectateurs, du diplomate au rapin, sont hypnotisés. Ils n'ont jamais rien vu d'approchant. Ce corps libre, magnifique, emporté par la musique. Isadora Duncan est bissée, trissée. Dans la salle, les impresarios imaginent chacun l'engager dans leur théâtre où elle se produirait à guichet fermé. Budapest, Leipzig, Varsovie, Paris, Sofia, Bucarest. Et oui, ce soir d'avril 1902, dans un petit théâtre viennois, une superstar est née. Enfin, le monde s'ouvre à moi. J'ai réussi à toucher le public, à raconter ce que je ressentais avec mon corps. J'existe. J'existe vraiment pour la première fois. Et rien ne pourra m'arrêter. Adieu, Loy Fuller. Je ne veux plus jamais te revoir, ni toi, ni ta bande de filles détraquées. À nous deux, Roméo. Cette nuit nous appartient. Je veux avec toi devenir une bacchante déchaînée, et quoi qu'il m'arrive, je le danserai. Parce que je suis la danse du futur, celle qui libère l'âme. Isadora Duncan, naissance d'une superstar de Julie Birman avec Marine Silf, Isadora Duncan, Brice Hilleret, Raymond Duncan, Émilien Diard de Teuf, Bonnier, Hervé Furic, Rodin, Andrea Brusque, Loy Fuller, Étienne Launay, Bonnier, Valérie Moinet, la mère d'Isadora, Louis-Marie Audubert, le capitaine, Raphaël Goldman, Roméo, et les voix de Claude Bernard Perrault, Frédéric Schulz-Richard, Samuel Charles et Guillaume Desmarcheliers. Bruitage Bertrand Amiel, prise son montage et mixage Éric Boisset et Emmanuel Armin, assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet, réalisation Laure Egoroff. Dans quelques minutes, on vous retrouve Julie Birman pour parler d'Isadora Duncan. Didn't even really wanna go, but if you get me out, you get a show. There's so many bodies on the floor, so baby, we should go and have some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Everywhere I look at people's hands, thrown up in the air to help them dance. Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it down, did it down, did it down? Down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down. Are you down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down could put them all to shame. Now isn't the time to play it safe. Isn't this the reason why you came? So, baby, don't you let it go to waste. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Every single thing is feeling right. So, started as a quiet Friday night. I don't really think that we should fight this. What if we don't stop until it's light? Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Are you down, down, Marianne Hale, Down, sur France Inter, dans Autant n'importe l'histoire, l'émission réalisée par Michel Billoux, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Florent Beauvallet. Julie Birman, donc, on a vu, en 1902, donc, Isadora Duncan devient une superstar. Elle ne tombe pas par hasard dans cette Europe. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, une ébullition, il y a un frémissement artistique dans la peinture, dans la musique, dans le théâtre. Elle tombe au bon moment. En tout cas, elle est en avance sur son temps, mais c'est vrai que c'est un moment de charnière. Donc c'est une femme qui est née au 19e siècle et elle va inventer le 20e siècle et la modernité. C'est aussi ça qui m'a intéressée dans son personnage, c'est de voir que cette femme excentrique et, on pourrait dire, un petit peu évaporée avec des idées mystiques, comment elle, en fait, va transformer essentiellement la danse et son art. Il faut imaginer quand même la société de l'époque. Enfin, c'est des dames avec des grandes robes, des corsets. C'est la société, c'est ce qu'on voit dans la Recherche du temps perdu de Proust, quoi. Et cette femme qui est presque nue, comme ça, on imagine le choc que ça a dû représenter. Et alors, pourtant, elle avait du succès. Oui, alors je n'étais pas à l'époque dans les salles. Mais en tout cas, ce que j'imagine, c'est que c'était des réactions totalement contradictoires. Elle incarnait ce que les femmes ne pouvaient pas incarner. C'est-à-dire que les femmes du public étaient des sortes de scarabées enfermées dans des vêtements corsetés, effectivement. Et donc, elle incarnait leurs rêves secrets, d'une part. Et en même temps, il y avait une sorte de jalousie profonde envers elle et même de méchanceté quand elle a perdu ses enfants d'une façon tragique parce qu'ils vont se noyer. Et en fait, il y a eu des tas de femmes pour dire que c'était la vengeance divine qui la punissait de sa vie libre parce qu'elle a eu un nombre considérable d'amants. Enfin, après la mort de ses enfants, encore plus. Mais elle avait une vie totalement libre. J'imaginais ce qu'elle devait ressentir. Il faut une sacrée force, en fait, pour supporter toute cette méchanceté, en fait. Oui, c'est vrai. Julie Birman, on voit bien dans le scénario que vous avez écrit que l'aventure d'Isadora Duncan, c'est une histoire artistique, bien sûr, mais c'est aussi ce choc avec l'Europe. C'est en même temps l'histoire d'une émancipation physique et sexuelle aussi. Oui, c'est vrai que c'est lié et on ne peut pas séparer son art de son expérience de la vie. Et en ça, sa danse devient en fait l'expression de son humanité, de sa féminité. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui me passionne et que Picasso incarne aussi à sa façon. Sa peinture, c'est sa vie. Et elle, sa danse, c'est sa vie. Oui, parce que dans cette histoire, on la voit qui arrive donc à Paris, elle rencontre des hommes, et les hommes ne sont pas tout à fait à l'aise, parce qu'ils savent pas trop ce qu'elle est, en fait, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a les danseuses ont un peu une réputation d'être des femmes légères, elle, en même temps, elle a des côtés de demoiselle de bonne famille, et en même temps, elle danse, elle vit avec une famille bohème, donc ils savent pas trop comment la situer. Voilà, est-ce qu'elle peut coucher avant le mariage, en gros? Et de fait, elle est insituable. C'est-à-dire que c'est effectivement une herbe folle qui a poussé en regardant la mer et en imitant les mouvements du vent dans les arbres. Et donc, elle a absolument aucune expérience des hommes, ni de l'amour. Enfin, elle est tombée amoureuse d'un apprenti pharmacien, mais qui a épousé une fille beaucoup plus sage qu'elle. Et elle arrive avec une énorme naïveté dans l'Europe, qui est beaucoup plus libre que l'Amérique puritaine. Et c'est vrai que son expérience de la vie va passer par sa découverte de l'art. Alors c'est ça qu'on raconte dans la fiction, mais c'est vrai qu'en voyant Rodin, elle va voir ce qu'en fait elle n'a jamais, ce dont elle n'a jamais eu l'intuition avant, c'est-à-dire l'extase physique, le désir, les corps tourmentés par la passion, et ça va être une révolution interne. Donc c'est vrai que c'est à la fois Isadora Duncan, c'est une femme dans son époque et qui va révolutionner l'époque dans l'histoire, mais en même temps c'est quelqu'un qui va avoir un destin personnel d'émancipation et qui va aussi être très originale dans sa façon de s'émanciper. En quoi la danse contemporaine, encore aujourd'hui, en quoi est-ce qu'elle doit quelque chose à Isadora Duncan, à votre avis ? C'est cette manière de danser, ses pieds nus déjà, cette... Alors, c'est vrai que moi, je suis une grande admiratrice, par exemple, de Pina Bausch, et je m'imagine, en fait, que ça participe de la même façon de procéder, c'est-à-dire d'être aux prises avec l'essentiel des expériences humaines et d'essayer de faire ressortir vraiment un langage avec le corps. Et c'est plus que de la danse, enfin c'est de la danse théâtre, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas que ça exprime l'humain. Et c'est ça que Isadora, j'ai l'impression que c'est ça qu'elle a réussi à faire. Elle savait raconter ce que c'était que la douleur de la perte d'un enfant, elle savait raconter la mort, elle savait raconter la Vierge, elle savait raconter la Vierge effarouchée, elle savait tout raconter parce qu'elle avait tout vécu les yeux dans les yeux. Oui, on voit Loy Fuller qui est totalement inquiète de voir que Isadora Duncan ne travaille pas du tout sa danse, alors que elle, Loy Fuller, est une grande bosseuse et Isadora Duncan arrive très concentrée sur scène et finalement c'est une forme d'instinct peut-être, un truc peut-être plus intuitif. Alors peut-être que c'est de l'ordre de l'instinct, mais aussi moi je m'imagine que c'est quelqu'un qui a affronté le vide et la liberté radicale, c'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais cachée derrière « allez, on va travailler », mais elle s'est dit « bon, vraiment, qu'est-ce que je veux faire ?» Et quand elle a un grand moment de désarroi, quand elle est à Paris, que ça marche pas avec les hommes, que Rodin, son expérience avec Rodin avorte, elle a vraiment une période où elle va faire une réflexion dans le silence et elle va essayer de trouver qu'est-ce qui est l'origine du mouvement. C'est difficile à exprimer, mais j'ai l'impression que c'est essentiel quand on veut être un artiste, c'est-à-dire le vide. Et qu'est-ce qui va surgir du vide et qu'est-ce que je fais qui est vraiment essentiel. Et donc, elle a peur de rien. Et ça, c'est quelque chose qui fait que j'admire énormément ce personnage. C'est vraiment qu'elle a une audace que rien ne peut arrêter. Merci beaucoup Julie Birman. Je rappelle que donc Isadora Duncan est morte en 1927 à Nice, étranglée par l'écharpe qui s'était prise dans la roue de la voiture. Donc Julie Birman, votre album, votre BD va sortir la semaine prochaine. Elle est intitulée Isadora, tout simplement. Et les illustrations sont réalisées par l'excellent Clément Oubrerie. Très beau dessin. Et cet album est publié chez Dargaud. Merci beaucoup. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Une émission à réécouter, bien sûr podcastée sur notre site franceinter.fr où j'attends comme d'habitude vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, changement complet de décor. Nous partirons à Alger en 1942 aux côtés de José Aboulker, un jeune résistant de 22 ans qui avec un groupe d'amis et de cousins a organisé la résistance algéroise contre le gouvernement de Vichy et qui a permis à la flotte anglo-américaine de réussir le débarquement allié en novembre 1942. Une histoire méconnue, 1942, l'opération Torch. C'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais juste après le flash, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour État d'esprit. Très bonne soirée à tous.